Salut, salut, salut! Après quelques semaines de vacances bien méritées, c'est le retour de Lost in Space. Ce jusqu'à l'été prochain, et oui, comme tous les dimanches, 3 heures et plus de rock, punk, musiques expérimentales, diverses et variées de textes, de littérature, enfin bref. Vous avez maintenant l'habitude depuis un paquet d'années, parce que c'est effectivement la 8e année qui attaque aujourd'hui. Et on continue dans la même veine, c'est-à-dire que nous allons mélanger toujours rock'n'roll. Vous allez écouter Spoon tout d'abord avec The Rent I Pay, et puis les titres seront entrecoupés d'un peu de polar, James Ellroy, l'histoire d'un tueur sur la route, un serial killer qui fait froid dans le dos. Thank you. Duesenberry était bien au-dessous de la vérité dans ses estimations sur le décompte des corps, et la métaphore lapidaire du gardien-chef Wardlow n'était que partiellement correcte. On peut faire saigner les objets inanimés, mais si l'on veut que la transfusion s'opère, l'objet doit céder son fluide de son propre vouloir, le plus profond et le plus logique. Jusqu'à Mitt Alpert, cet adepte de la littérature expéditive, d'une décence des plus remarquables, qui s'est senti obligé de masquer l'annonce de notre collaboration de lourds clichés justificateurs et de paroles que je n'ai jamais prononcées. Il ne peut accepter le fait qu'il gagnera 10% sur un texte d'adieu aux lettres de sang. Que je ne ressente aucun remords, que je ne cherche pas l'absolution, lui est totalement incompréhensible. Dans ma situation, un individu aux objectifs plus clairement définis que les miens aurait sauté sur l'occasion offerte d'écrire pour infléchir son récit afin de manipuler la gent psychiatrique et les institutions judiciaires libérales, tous ces gens enclins à des visions de rédemption mesquine. Puisque je n'ai aucun espoir de jamais quitter cette prison, je me refuse à cela. Ce serait tout simplement malhonnête. De même d'ailleurs que je n'arguerai d'aucune justification psychologique pour arriver à un arrangement en juxtaposant mes actes à l'absurdité reconnue de la vie américaine du XXe siècle. En parcourant en toute conscience les lisses forcées du silence et de la volonté, en créant ma propre réalité au trop-plein de vide, j'ai été capable d'exister loin des influences banales de l'environnement, jusqu'à un degré exceptionnel. Les douleurs prosaïques à devoir simplement grandir et être américain firent très vite long feu. Très tôt, je l'ai métamorphosé en quelque chose de plus. En conséquence, que mes actes soient mes juges. Ils sont les miens en propre, nul ni rien ne pourra y trouver à redire. Yeah, you know I'm fucking names on it. Ici même, dans ma cellule, je dispose de tout ce dont j'ai besoin pour donner vie à mon discours d'adieu. Machine à écrire sophistiquée, papier vierge, documents de police obtenus par l'entremise de mon agent. Sur le mur du fond s'étale une carte Rand McNally de l'Amérique et près de ma couchette, il y a une boîte de punaises à capuchon plastique. Au fur et à mesure de la progression de ce manuscrit, j'utiliserai ces punaises pour marquer les endroits où j'ai assassiné des gens. Oh! Mais par-dessus tout, je dispose de mon esprit. Mon silence. Il existe une dynamique dans la mise en œuvre marchande de l'horreur. Servez la garnie d'hyperbole fleurie et la distance s'installe, même si la terreur est présente. Puis branchez tous les feux du cliché littéral au figuratif et vous ferez naître un sentiment de gratitude parce que le cauchemar prendra fin, un cauchemar au premier abord trop horrible pour être vrai. Je n'obéirai pas à cette dynamique, je ne vous laisserai pas me prendre en pitié. Charles Manson, qui déblatère dans sa cellule, mérite, lui, la pitié. Ted Bundy, qui proteste de son innocence pour que des femmes solitaires lui écrivent, mérite le mépris. Je mérite crainte et respect pour être demeuré inviolé jusqu'au bout du voyage que je vais décrire, et puisque la force de mon cauchemar interdit qu'il prenne fin un jour, vous me les offrirez. Ces endroits-là exigent un esprit inventif, plein d'ingéniosité. Ils ne révéleront pas leurs secrets à l'observateur extérieur. Seul l'habitant inspiré y aura accès. À ce terrain de chasse et de manœuvre de ma jeunesse, j'ai accordé une attention tellement implacable qu'il s'est ouvert à moi dans sa plénitude. Il n'existait rien dans cette zone tranquille des abords d'Hollywood que je ne connusse pas. Somehow I'll turn it all around. Beverly Boulevard au sud, Melrose Avenue au nord. Les limites ouest étaient définies par Rumor et le Country Club de Wilshire, ligne de démarcation entre la fortune et ceux qui n'en ont que le rêve. À la porte est se tenaient en sentinelle Western Avenue et sa profusion de bars et de magasins de spiritueux qui gardaient à distance respectueuse et d'indésirables, écoliers mexicains et homosexuels. 6 blocs du nord au sud, 17 d'est en ouest. Des petites maisons à ossature en bois de style espagnol, des rues bordées d'arbres et sans feu rouge. Un immeuble locatif avec cour dont la rumeur voulait qu'il fût rempli de prostituées et d'étrangers en situation illégale. Une école primaire. L'existence discutable d'un bésodrome où les joueurs de l'USC venaient amener des filles pour visionner des films porno des années 50. Un petit univers de secrets. J'ai vécu en compagnie de mon père et de ma mère dans une version miniature couleur saumon de la mission de Santa Barbara. Deux étages, un toit de carton bitumé et une imitation de la cloche de la mission. Mon père travaillait comme dessinateur industriel dans une usine d'aviation. C'était aussi un joueur prudent qui habituellement gagnait. Ma mère était employée de bureau dans une compagnie d'assurance. Elle passait ses heures de loisirs à contempler la circulation sur Beverly Boulevard. Je me rends compte aujourd'hui que mes parents avaient des vies mentales pleines de fureur et furieusement séparées. Ils restèrent ensemble les 7 premières années de ma vie et dès mon plus jeune âge, je me souviens de les avoir considérés comme mes gardiens et rien de plus. Je ressentais confusément leur manque d'affection à mon égard et à l'égard l'un de l'autre comme un gage de liberté. La conscience imparfaite que j'avais de leur manque en tant que parent résonnait en moi comme une négligence dont je pourrais tirer parti. Ils ne possédaient pas la passion qu'il eût fallu pour m'aimer ou me maltraiter. Je sais aujourd'hui qu'ils m'ont doté dans mon enfance d'une sauvagerie qui aurait suffi à alimenter toute une armée. Misery, a deadly fear was coming over me. I knew you'd have said it more than a day. Les guides touristiques donnent de Los Angeles une vision fausse par leur amalgame entre l'industrie du cinéma et les plages et les palmiers embrasés de soleil. L'intelligentsia littéraire tente avec niaiserie de pénétrer cette façade et vous offre du bassin de LA l'image d'un creuset où fusionnent le kitsch désespéré, l'illusion violente et les folies religieuses les plus variées. Ces deux représentations contiennent des éléments d'une vérité qui n'est que conventionnelle. Il est facile d'aimer l'endroit au premier coup d'œil et encore plus facile de le haïr lorsque vous parvenez à une perception juste des gens qui y habitent. Mais pour le connaître, il faut être né dans les petits quartiers, ces enclaves au cœur de la ville dont les guides touristiques ne font jamais état et que les artistes rejettent dans leur hâte à peindre à grands traits caricaturaux. Root down, I put my root down. I kick it root down, I put my root down. So how we gonna kick it? Gonna kick it root down. Yeah, how you gonna kick it? Gonna kick it root down. So how you gonna kick it? Gonna kick it root down. Gonna break it all down, gonna kick it root down. It's not a foot down, I put my foot down. And then I make us some love, I put my root down. I'm like Sweetie Pie by the Stone Alliance. Everybody know I know for dropping science. I'm electric like Dick Hyman. I guess you'd expect to catch the crew. Let's go back. Au début de 1953, les sirènes d'alarme aériennes installées dans tout le voisinage se déclenchèrent accidentellement. Et mon père, convaincu de l'imminence d'une attaque atomique par les Russes, nous emmena, ma mère et moi, sur le toit pour attendre l'arrivée du gros coup. Il avait emporté une bouteille de bourbon car il désirait poster un toast aux champignons atomiques qu'il s'attendait à voir s'élever au-dessus du centre-ville. Lorsqu'il comprit que le grand coup ne se produirait jamais, il était ivre et déçu. Ma mère intervint alors verbalement, chose rare chez elle, et offrit son aide pour tenter de soulager la dépression de son mari, maintenant que le monde n'allait plus voler aux mille diables. Il leva le bras pour la frapper, puis hésita, avant de descendre le reste de la bouteille. Ma mère descendit jusqu'au fauteuil réservé à ses contemplations routières, et je me mis à consulter les livres scientifiques de la bibliothèque. Je voulais savoir à quoi ressemblent les champignons atomiques. I love to be unkind. I walk the streets at night in the shadows out of sight. Seek my victims come alive and sit in neon light. When they see me coming, you'll always hear them say, Dracula has risen from the grave. No, I ain't no vampire, ain't even no undead. I use love, brother, taste blood, it just gets to my head. Pull my feel you're getting near, you know you should beware. They say I'm evil to the bone, nothing that judgment's fair. When they see me coming, you'll always hear them say, Dracula has risen from the grave. Pour le mariage de mes parents, cette nuit-là marqua le début de la fin. La panique des raids aériens amena dans le voisinage une multiplication brutale des abris anti-bombes et mon père, dégoûté par toutes ces constructions d'arrière-cour, prit l'habitude de passer ses week-ends sur le toit à boire et à contempler le spectacle. J'observais la colère qui montait en lui et je voulus soulager sa douleur. Je ne voulais pas qu'il se contente de n'être qu'un observateur refoulé. Sans trop savoir comment, l'idée me vint de lui offrir le lance-pierre flingot en acier inox que j'avais trouvé sur un banc dans l'abri de bus d'Oakwood et Western. Going down. Mon père adora mon cadeau et il se mit à tirer des billes d'acier de roulement sur les parties visibles des abris aériens. Il devint bientôt un excellent tireur et rechercha dès lors des cibles plus stimulantes. Il commença à assassiner les corbeaux qui se perchaient sur les fils de téléphone courant dans l'allée, à l'arrière de la maison. Un jour, il réussit même à abattre un rat en fuite à une distance de 13,40 m. Je me souviens de la distance parce que mon père, fier de sa prouesse, la décompta en mètres pas à pas, avant de mesurer le restant au moyen d'une règle à dessin métallique. Yeah!

Au début de 54, j'ai appris que mes parents allaient divorcer. Mon père m'emmena sur le toit pour me l'apprendre. J'avais vu venir la chose et je savais, grâce au programme télé Les Confidences de Paul Coates, que beaucoup de mariages d'après-guerre prenaient le chemin de Taille-la-Ville. Pourquoi ? Demandai-je. Mon père remua le gravier du toit du bout du pied. On aurait dit qu'il traçait des champignons atomiques. Ben, j'ai 34 ans et ta mère et moi, ça marche plus. Et si je reste avec elle plus longtemps, j'aurai bousillé mes plus belles années. Et si je fais ça, autant faire une croix tout de suite. On ne peut pas faire une chose pareille, t'es pas d'accord ? Si. Je te reconnais bien là, mon Marty. Je vais au Michigan et toi et ta mère, vous gardez la maison et je vous écrirai et puis je vous enverrai de l'argent. Oh, when the punks go marching in, when the punks go marching in, I wanna be in that number. When the punks go marching in, when the skins go marching in, when the skins go marching in, I wanna be in that number. When the skins go marching in, when the pigs go marching in, when the pigs go marching in, I wanna be in that big band. When the pigs go marching in, when the wheels go marching in, wheels go marching in, I wanna be in that number. When the wheels go marching in, je savais par le show Coates que le divorce, c'était quelque chose qui coûtait cher et j'eus la sensation que mon père devait avoir mis de côté un gros paquet de pognon gagné au jeu pour faciliter son départ vers Taille-la-Ville. On aurait dit qu'il avait lu dans mes pensées lorsqu'il ajouta. On s'occupera bien de toi. Te fais pas de bile là-dessus. Je ne me ferai pas de bile. Bien. Mon père visa du pouce et de l'index un jet bien dodu perché sur le garage du voisin. Tu sais que ta mère est... Ben, tu sais. Je voulus hurler, cinglé, folle, givrée, bonne pour le psy, mais je ne voulais pas qu'il sache que je savais. Elle est sensible, osais-je avancer? Mon père secoua lentement la tête. Je sus que lui savait que je savais. Ouais, sensible. Essaye de la manier avec des pincettes. Travaille bien à l'école et essaye d'être ton propre maître. Et on entendra parler de toi. Sur ces paroles prophétiques, mon père me tendit la main. Je la lui serrai et 5 minutes plus tard, il franchissait la porte. Je ne devais plus jamais le revoir. Time I'm lonely. give me a nice big kiss. Just tell them, oh! Nouveauté à l'instant sur Lost in Space, c'était les Jesus and Mary Chain et leur tout nouveau titre de cette année. Et c'est l'heure du live, on ne perd pas les bonnes habitudes. Aujourd'hui, c'est Blurt qui s'y colle. Alors, c'est un live enregistré chez Otto, donc dans une salle qui s'appelle Otto, en 2017. Très très très bon son. Et Blurt, c'est un pape de la musique expérimentale, un saxophoniste de génie. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti pour quelques minutes de Blurt. We'll be right back. Do it, babe. Where's the blue gone?